Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 2, Gaumet du Prêt 1861. Question 52. De l'augmentation des habitudes. Si les habitudes augmentent, si elles augmentent par addition, si elles augmentent par un seul acte. 1. Les habitudes peuvent-elles augmenter? La foi est une habitude. Or, les apôtres disaient, « Seigneur, augmentez notre foi. » Luc 17, 5. Donc les habitudes sont susceptibles d'augmentation. Les habitudes peuvent être considérées à deux points de vue, en elles-mêmes et dans l'homme. Sous ces deux aspects, elles admettent le plus et le moins sans changer d'espèce. La santé, par exemple, est toujours la santé, quoiqu'elle varie en bien ou en mal entre certaines limites. Il en est des habitudes comme du mouvement qui reste toujours de la même espèce à cause du terme qui le détermine, bien qu'il soit plus ou moins rapide, plus ou moins intense. De savoir comment les vertus augmentent, c'est ce que nous verrons plus loin. Note. Les habitudes ne consistent pas dans un point indivisible qui implique toujours la mesure la plus parfaite, elles sont, comme la santé, plus grandes ou plus faibles, pourvu qu'elles aient leurs conditions fondamentales. Fin de la note. 2. Les habitudes augmentent-elles par addition? Les habitudes s'augmentent par la participation plus ou moins parfaite à une même qualité, et non par l'addition d'une qualité à une autre. C'est ainsi que le feu rend un objet plus chaud, non en produisant une chaleur d'une nouvelle espèce, mais en lui communiquant plus parfaitement la sienne. La science est la seule habitude qui s'augmente par une certaine addition. Par exemple, quand on étudie un grand nombre de théorèmes géométriques, mais elle s'augmente aussi par la participation plus parfaite à une qualité déjà existante, en ce sens que l'on acquiert, en avançant, plus de promptitude et de facilité à saisir les démonstrations scientifiques. 3. Tous les actes augmentent-ils les habitudes? Un acte est-il proportionné, par son énergie, à l'intensité d'une habitude? Il augmente ou du moins la dispose à l'augmentation. Nous disons la dispose à l'augmentation, parce qu'on doit parler de l'augmentation des habitudes comme de l'accroissement des êtres animés. Toutes les fois qu'un animal prend de la nourriture, il ne donne pas l'accroissement à son corps, mais il prépare cet accroissement. Ce qui le donne, c'est l'alimentation continuée. Les actes font croître l'habitude en se répétant, comme la goutte d'eau creuse la pierre par sa multiplication. Mais, lorsque leur énergie ne correspond pas à l'intensité des habitudes, ils les disposent à la diminution, loin de les augmenter. Tels sont les actes que l'on fait avec négligence. Markendanarchive.org 2020, d'après Books Google FR. Licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.